Section 43 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 43, Le rêve, par Émile Zola, chapitre 5. C'était une affaire tous les 3 mois. Lorsqu'Hubertine coulait la lessive. On louait une femme, la mère Guébet, pendant 4 jours. Les broderies en étaient oubliées, et Angélique elle-même s'en mêlait, se faisait ensuite une récréation du savonnage et du rinçage dans les eaux claires de la Chevrotte. Au sortir de la cendre, on brouettait le linge par la petite porte de communication. On vivait les journées dans le Clos-Marie, en plein air, en plein soleil. « Mère ! Cette fois, je lave, ça m'amuse tant !» Et, secouée de rire, les manches retroussées au-dessus des coudes, brandissant le battoir, Angélique tapait de bon cœur dans la joie et la santé de cette rude besogne qui l'éclaboussait d'écume. « Ça me durcit les bras, ça me fait du bien, mère !» La Chevrotte coupait le champ de biais, d'abord endormi, puis très rapide, lancée en gros bouillon sur une pente caillouteuse. Elle sortait du jardin de l'évêché par une sorte de vanne laissée au bas de la muraille, et, à l'autre bout, à l'angle de l'hôtel Voincourt, elle disparaissait sous une arche voûtée, s'engouffrait dans le sol pour reparaître 200 mètres plus loin, tout le long de la rue basse jusqu'au lignol où elle se jetait. De sorte qu'il fallait bien veiller sur le linge, car on pouvait courir, toute pièce lâchée était une pièce perdue. « Mère, attendez, attendez, je vais mettre cette grosse pierre sur les serviettes. Nous verrons si elle les emportera, la voleuse. » Elle calait la pierre, elle retournait en arracher une autre aux décombres du moulin, ravie de se dépenser, de se fatiguer, et quand elle se meurtrissait un doigt, elle le secouait, elle disait que ce n'était rien. Dans la journée, la famille de pauvres qui se terrait sous ses ruines s'en allait à l'aumône, débandée par les routes. Le clos restait solitaire d'une solitude délicieuse et fraîche avec ses bouquets de saules pâles, ses hauts peupliers, son herbe surtout, son débordement d'herbes folles, si vivaces qu'on y entrait jusqu'aux épaules. Un silence frissonnant venait des 2 parcs voisins dont les grands arbres barraient l'horizon. Dès 3 heures, l'ombre de la cathédrale s'allongeait d'une douceur recueillie d'un parfum évaporé d'encens. Et elle battait le linge plus fort de toute la force de son bras frais et blanc. « Mère, mère, ce que je vais manger ce soir! Ah, vous savez, vous m'avez promis une tarte aux fraises !» Mais pour cette lessive, le jour du rinçage, Angélique resta seule. La mère Guébet, souffrant d'une crise brusque de sa sciatique, n'était pas venue, et d'autres soins de ménage retenaient Hubertine au logis. Agenouillée dans sa boîte garnie de paille, la jeune fille prenait les pièces une à une, les agitait longuement, jusqu'à ce que l'eau n'en fût plus troublée, d'une limpidité de cristal. Elle ne se hâtait point, elle éprouvait depuis le matin une curiosité inquiète, ayant eu l'étonnement de trouver là un vieil ouvrier en blouse grise qui dressait un léger échafaud devant la fenêtre de la chapelle Haute-Cœur. Est-ce qu'on voulait réparer le vitrail? Il en avait bien besoin. Des verres manquaient dans le Saint-Georges, d'autres, cassés au cours des siècles, étaient remplacés par de simples vitres. Pourtant, cela l'irritait. Elle était si habituée aux lacunes du saint perçant le dragon et de la fille du roi l'emmenant avec sa ceinture qu'elle les pleurait déjà, comme si on avait eu le dessein de les mutiler. Il y avait sacrilège à changer de si vieilles choses. Et tout d'un coup, lorsqu'elle revint de déjeuner, sa colère s'en alla. Un second ouvrier était sur l'échafaud, jeune, celui-ci, également vêtu d'une blouse grise, et elle l'avait reconnu. C'était lui. Gaiement, sans embarras, Angélique reprit sa place, à genoux dans la paille de sa boîte. Puis, de ses poignets nus, elle se remit à agiter le linge au fond de l'eau claire. C'était lui, grand, mince, blond, avec sa barbe fine et ses cheveux bouclés de jeune dieu, aussi blanc de peau qu'elle l'avait vu sous la blancheur de la lune. Puisque c'était lui, le vitrail n'avait rien à craindre. S'il y touchait, il l'embellirait. Et elle n'éprouvait aucune désillusion à le retrouver vêtu de cette blouse, ouvrier comme elle, peintre verrier sans doute. Cela, au contraire, la faisait sourire, dans son absolue certitude, en son rêve de royale fortune. Il n'y avait qu'apparence, à quoi bon savoir. Un matin, il serait celui qu'il devait être. La pluie d'or ruisselait du comble de la cathédrale, une marche triomphale éclatait dans le grondement lointain des orgues. Même elle ne se demandait pas quel chemin il prenait pour être là, de nuit et de jour. À moins d'habiter une des maisons voisines, il ne pouvait passer que par la ruelle des Gerdaches qui longeait le mur de l'évêché jusqu'à la rue Magloire. Alors une heure charmante s'écoula. Elle se penchait. Elle rinçait son linge, le visage touchant presque l'eau fraîche, mais à chaque nouvelle pièce, elle levait la tête, jetait un coup d'œil où, dans les mois de son cœur, perçait une pointe de malice. Et lui, sur l'échafaud, l'air très occupé à constater l'état du vitrail, la regardait de biais, gênée dès qu'elle le surprenait ainsi, tournée vers elle. C'était une chose étonnante, comme il rougissait vite, le teint brusquement coloré, de très blanc qu'il était. À la moindre émotion, colère ou tendresse, tout le sang de ses veines lui montait à la face. Il avait des yeux de bataille, et il était si timide, quand il la sentait l'examiner, qu'il redevenait un petit enfant, embarrassé de ses mains, bégayant des ordres au vieil homme, son compagnon. Elle, ce qui l'égayait dans cette eau dont la turbulence lui rafraîchissait les bras, était de le deviner innocent comme elle, ignorant de tout, avec la passion gourmande de mordre la vie. On n'a pas besoin de dire à voix haute ce qui est, des messagers invisibles la portent, des bouches muettes le répètent. Elle levait la tête, le surprenait à détourner la sienne et les minutes coulaient, et cela était délicieux. Soudain, elle le vit qui sautait de l'échafaud, puis qui s'en éloignait à reculons, au travers des herbes, comme pour prendre du champ, afin de mieux voir. Mais elle faillit éclater de rire, tellement cela était clair, qu'il voulait se rapprocher d'elle uniquement. Il avait mis à sauter une décision farouche d'homme qui risque tout, et la drôlerie touchante maintenant était qu'il restait planté à quelques pas, lui tournant le dos, n'osant se retourner dans le mortel embarras de son action trop vive. Un instant, elle crut bien qu'il repartirait vers le vitrail, ainsi qu'il en était venu, sans un coup d'œil en arrière. Pourtant, il prit une résolution désespérée, il se retourna, et comme, justement, elle levait la tête, avec son rire malicieux, leurs regards se rencontrèrent, demeurèrent l'un dans l'autre. Ce fut, pour les deux, une grande confusion. Ils perdaient contenance. Ils n'en seraient jamais sortis s'il ne s'était produit alors un incident dramatique. « Oh mon Dieu !» cria-t-elle, désolée. Dans son émotion, la camisole de basin qu'elle rinçait, d'une main inconsciente, venait de lui échapper, et le ruisseau rapide l'emportait, et, une minute encore, elle allait disparaître au coin du mur des voins courts, sous l'arche voûtée où s'engouffrait la chevrotte. Il y eut quelques secondes d'angoisse, il avait compris, s'était élancé, mais le courant bondissait sur les cailloux, cette diablesse de camisole courait plus vite que lui. Il se penchait, croyait la saisir, ne prenait qu'une poignée d'écume. Deux fois il la manqua. Enfin, excité de l'air brave dont on se jette au péril de sa vie, il entra dans l'eau, il sauva la camisole juste à l'instant où elle s'abîmait sous terre. Angélique, qui jusque-là avait suivi anxieusement le sauvetage, sentit le rire, le bon rire, lui remonter des flancs. Ah, cette aventure qu'elle avait tant rêvée, cette rencontre au bord d'un lac, ce terrible danger dont la délivrait un jeune homme, plus beau que le jour. Saint-Georges, le tribun, le guerrier, n'était plus que ce peintre sur verre, ce jeune ouvrier en blouse grise. Quand elle le vit revenir, les jambes trempées, tenant la camisole ruisselante d'un geste gauche, comprenant le ridicule de la passion qu'il avait mise à l'arracher des flots, elle dut se mordre les lèvres pour contenir la fusée de gaieté qui lui chatouillait la gorge. Lui s'oubliait à la regarder. Elle était si adorable d'enfance, dans ce rire qu'elle retenait, et dont sa jeunesse vibrait toute. Éclaboussée d'eau, les bras glacés par le courant, elle sentait bon la pureté, la limpidité des sources vives jaillissant de la mousse des forêts. C'était de la santé et de la joie au grand soleil. On la devinait bonne ménagère et reine pourtant dans sa robe de travail, avec sa taille élancée, son visage long de fille de roi, tel qu'il en passe au fond des légendes. Et il ne savait plus comment lui rendre le linge, tellement il la trouvait belle, de la beauté d'art qu'il aimait. Cela l'enrageait davantage d'avoir l'air d'un innocent, car il s'apercevait très bien de l'effort qu'elle faisait pour ne pas rire. Il dut se décider, il lui remit la camisole. Alors Angélique comprit que, si elle desserrait les lèvres, elle éclatait. Ce pauvre garçon, il la touchait beaucoup, mais cela était irrésistible, elle était trop heureuse, elle avait un besoin de rire à perdre haleine, qui la débordait. Enfin elle crut qu'elle pouvait parler, voulut dire simplement « Merci, monsieur ». Mais le rire était revenu, le rire la fit bégayer, lui coupa la parole, et le rire sonnait très haut, une pluie de notes sonores qui chantait sous l'accompagnement cristallin de la chevrotte. Lui, déconcerté, ne trouva rien, pas un mot. Son visage, si blanc, s'était brusquement empourpré, ses yeux d'enfant timide avaient flambé, pareils à des yeux d'aigle, et il s'en alla. Il avait disparu avec le vieil ouvrier, qu'elle riait encore. Penché sur l'eau claire, s'éclaboussant de nouveau à rincer son linge dans l'éclatant bonheur de cette journée. Le lendemain, dès 6 heures, on étendit le linge dont le paquet s'égouttait depuis la veille. Justement, un grand vent s'était levé qui aidait au séchage. Même pour que les pièces ne fussent pas emportées, on dut les fixer avec des pierres aux quatre coins. Toute la lessive était là, étalée, très blanche parmi l'herbe verte, sentant bon l'odeur des plantes, et le pré semblait s'être fleuri soudain de nappes neigeuses de pâquerettes. Après le déjeuner, lorsqu'elle revint donner un regard, Angélique se désespéra. La lessive entière menaçait de s'envoler tellement les coups de vent devenaient forts, dans le ciel bleu d'une limpidité vive, comme épuré par ses grands souffles, et déjà un drap avait filé, des serviettes étaient allées se plaquer contre les branches d'un saule. Elle rattrapa les serviettes, mais derrière elle, des mouchoirs partaient, et personne. Elle perdait la tête. Lorsqu'elle voulut étendre le drap, elle dut se battre. Il l'étourdissait, l'enveloppait d'un claquement de drapeau. Dans le vent, elle entendit alors une voix qui disait « Mademoiselle, désirez-vous que je vous aide ?» C'était lui. Et tout de suite, elle cria, sans autre préoccupation que son souci de ménagère. « Mais bien sûr, aidez-moi donc. Prenez le bout là-bas, tenez ferme !» Le drap, qu'ils étiraient de leurs bras solides, battait comme une voile. Puis, ils le posèrent sur l'herbe, ils remirent aux quatre coins des pierres plus grosses. Et maintenant qu'ils s'affaissaient, domptés, ni lui ni elle ne se relevaient, agenouillés aux deux bouts, séparés par ce grand linge, d'une blancheur éblouissante. Elle finit par sourire, mais sans malice, d'un sourire de remerciement. Il s'enhardit. « Moi, je me nomme Félicien. Et moi, Angélique. Je suis peintre verrier, on m'a chargé de réparer ce vitrail. J'habite là avec mes parents et je suis brodeuse. » Le grand vent emportait leurs paroles, les flagellait de sa pureté vivace dans le chaud soleil dont ils étaient baignés. Ils se disaient des choses qu'ils savaient pour le plaisir de se les dire. « On ne va pas le remplacer, le vitrail ?»« Non, non, la réparation ne se verra seulement pas. Je l'aime autant que vous l'aimez. »« C'est vrai, je l'aime. Il est si doux de couleur. J'en ai brodé un de Saint-Georges, mais il était moins beau. » Oh, moins beau, je l'ai vu. Si c'est le Saint-Georges de la chasuble de velours rouge que l'abbé Cornille avait dimanche, une merveille. Elle rougit de plaisir et lui cria brusquement. Mettez donc une pierre sur le bord du drap, à votre gauche, le vent va nous le reprendre. Il s'empressa, chargea le linge qui avait eu une grande palpitation, le battement d'aile d'un oiseau captif, s'efforçant de voler encore. Et, comme il ne remuait plus cette fois, tous deux se relevèrent. Maintenant, elle marchait par les étroits sentiers d'herbe entre les pièces, donnait un coup d'œil à chacune, tandis que lui la suivait, très affairé, l'air préoccupé énormément de la perte possible d'un tablier ou d'un torchon. Cela semblait tout naturel. Aussi, continuait-elle de causer, racontant ses journées, expliquant ses goûts. Moi, j'aime que les choses soient à leur place. Le matin, c'est le coucou de l'atelier qui me réveille, toujours à 6 heures. Et il ne ferait pas clair que je m'habillerais. Mes bas sont ici, le savon est là, une vraie manie. Oh, je ne suis pas née comme ça. J'étais d'un désordre. Mère a dû en dire des paroles. Et à l'atelier, je ne ferais rien de bon si ma chaise n'était pas au même endroit en face du jour. Heureusement que je ne suis ni gauchère ni droitière et que je brode des deux mains, ce qui est une grâce car toutes n'y parviennent pas. C'est comme les fleurs que j'adore. Je ne puis en garder un bouquet près de moi sans avoir des maux de tête terribles. Je supporte les violettes seules et c'est surprenant, l'odeur m'en calme plutôt. Au moindre malaise, je n'ai qu'à respirer des violettes, elles me soulagent. Il l'écoutait, ravi. Il se grisait de la douceur de sa voix, qu'elle avait d'un charme extrême, pénétrant et prolongé, et il devait être particulièrement sensible à cette musique humaine, car l'inflexion caressante sur certaines syllabes lui mouillait les yeux. « Ah !» dit-elle en s'interrompant, « voici les chemises qui sont bientôt sèches !» Puis elle acheva ses confidences dans le besoin naïf et inconscient de se faire connaître. « Le blanc, c'est toujours beau, n'est-ce pas? Certains jours, j'ai assez du bleu, du rouge, de toutes les couleurs, tandis que le blanc est une joie complète dont jamais je ne me lasse. Rien n'y blesse, on voudrait s'y perdre. Nous avions un chat blanc avec des taches jaunes et je lui avais peint ses taches. Il était très bien, mais ça n'a pas tenu. Tenez, ce que mère ne sait pas, je garde tous les déchets de soie blanche. J'en ai plein un tiroir pour rien, pour le plaisir de les regarder et de les toucher de temps en temps. Et j'ai un autre secret, oh, un gros celui-là. Quand je m'éveille, chaque matin, il y a près de mon lit quelqu'un, oui, une blancheur qui s'envole. » Il n'eut pas un doute, il parut fermement la croire. Cela n'était-il pas simple et dans l'ordre? Une jeune princesse ne l'aurait point conquis si vite parmi les magnificences de sa cour. Elle avait, au milieu de tout ce linge blanc, sur cette herbe verte, un grand air charmant, joyeux et souverain, qui le prenait au cœur d'une étreinte grandissante. C'en était fait, il n'y avait plus qu'elle. Il la suivrait jusqu'au bout de la vie. Elle continuait à marcher de son petit pas rapide, en tournant parfois la tête avec un sourire, et il venait derrière, toujours suffoqué de ce bonheur, sans aucun espoir de l'atteindre jamais. Mais une bourrasque souffla, un vol de menus linges, des cols et des manchettes de percale, des fichus et des guimpes de batiste, fut soulevé, s'abattit au loin, ainsi qu'une troupe d'oiseaux blancs roulés dans la tempête. Et Angélique se mit à courir. « Ah, mon Dieu, arrivez donc, aidez-moi donc !» Tous deux s'étaient précipités. Elle arrêta un col sur le bord de la chevrotte. Lui déjà tenait deux guimpes, retrouvées au milieu de hautes orties. Les manchettes, une à une, furent reconquises. Mais dans leur course à toutes jambes, trois fois elle venait de l'effleurer. Des plis envolés de sa jupe et, chaque fois, il avait eu une secousse au cœur, la face subitement rouge. À son tour, il la frôla, en faisant un saut pour rattraper le dernier fichu qui lui échappait. Elle était restée debout, immobile, étouffant. Un trouble noyait son rire. Elle ne plaisantait plus, ne se moquait plus de ce grand garçon innocent et gauche. Qu'avait-elle donc pour n'être plus gaie et pour défaillir ainsi sous cette angoisse délicieuse? Quand il lui tendit le fichu, leurs mains, par hasard, se touchèrent. Ils tressaillirent, ils se contemplèrent, éperdus. Elle s'était reculée vivement. Elle demeura quelques secondes à ne savoir que résoudre dans la catastrophe extraordinaire qui lui arrivait. Puis, tout d'un coup, affolée, elle prit sa course, elle se sauva, les bras pleins du menu linge, abandonnant le reste. Félicien alors voulut parler. « Oh, de grâce, je vous en prie !» Le vent redoublait, lui coupait le souffle. Désespérée, il la regardait courir, comme si ce grand vent l'eût emportée. Elle courait parmi la blancheur des draps et des nappes, dans l'or pâle du soleil oblique. l'ombre de la cathédrale semblait la prendre, et elle était sur le point de rentrer chez elle par la petite porte du jardin sans un regard en arrière. Mais, au seuil, vivement, elle se retourna, saisie d'une bonté subite, ne voulant pas qu'il la crût trop fâchée, et, confuse, souriante, elle cria « Merci ! Merci !» Était-ce de l'avoir aidé à rattraper son linge qu'elle le remerciait ? Était-ce d'autre chose ? Elle avait disparu, la porte se refermait, et lui demeura seul, au milieu du champ, sous les grandes rafales régulières qui soufflaient, vivifiantes dans le ciel pur. Les ormes de l'évêché s'agitaient avec un long bruit de houle. Une voix haute clamait au travers des terrasses et des arcs-boutants de la cathédrale. Mais il n'entendait plus que le claquement léger d'un petit bonnet, noué à une branche de lilas, ainsi qu'un bouquet blanc, et qui était à elle. Fin de la section 43, lue par Sophie à Veules-les-Roses en octobre 2024.